Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union. Ce soir, émission calendrier des esclavages et des libérations. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier, eh bien, ce sera évidemment le calendrier. Charlie Chaplin, le discours du dictateur. Charlie Chaplin, le discours du dictateur. Ensuite, l'Espagne, une puissance retenue. C'est le dessous des cartes de Arte. Arte, de temps en temps, il y a de bonnes émissions sur Arte, de temps en temps. Faut choisir, quoi, c'est ça. On a beaucoup de chaînes. On a beaucoup de chaînes, mais faut pas avoir peur d'user les piles de la télécommande, hein. Ah oui, oui, on change de chaîne toutes les 7-8 secondes et pendant un certain temps, avant d'éteindre la télé définitivement pour la soirée, quoi. Parfois, hein. Oui. C'est nous qui payons. Qui payons tout ça, on paye dans la publicité, on paye dans les produits qu'on achète, et puis on paye dans les impôts, hein. Alors, musique, Espagne, une puissance retenue dessous des cartes, bon, ensuite, intoxication alimentaire, état de santé, Elisabeth Martichoux, elle fait de bonnes émissions, Elisabeth Martichoux, hein, sur la chaîne du Sénat, par exemple. Coluche, nous sommes les hommes politiques, oh, Coluche, oh. Voilà. Alors, Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Georges Brassens, mala reputation. Macron, Père Noël des riches. Macron, Père Noël des riches. Ensuite, Pétain, 400 millions de francs par jour. Eh oui, c'est ce qu'il avait accepté de signer avec l'Allemagne, avec les nazis allemands, hein, qui avaient, oui, 400 millions de francs par jour. Alors, c'est autant, dont les Français devaient se priver. Et puis ensuite, un petit truc sur le Propaganda Abteilung. Vous voyez, hein, sur Radio Guémozo, on est anglophile, naturlich. Puis la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, Nadine Berger à Remiremont, au cimetière militaire Alphonse Amé, qui s'est marié à Cornimont et qui est mort pendant la guerre, et 11 autres noms, hein, qu'elle a remis à l'honneur. Une petite revue de presse, et ce sera tout pour ce soir. Thank you. que s'est-il passé le 25 septembre, le calendrier des esclavages et des libérations? Alors, par exemple, en 1792, en France, la République française est déclarée une et indivisible. Je répète, 1792, France, la République, avec un R majuscule, française, est déclarée une et indivisible. C'était pas encore la Macronie, c'était la République. 1919, Grande-Bretagne, grève des cheminots pour une augmentation des salaires de 30%. Augmentation des salaires de 30% en 1919, les Anglais. Ils avaient du courage quand même, hein. La troupe refuse de tirer sur les grévistes. La troupe refuse de tirer sur les grévistes. En France, en 2023, comment ça se passerait? 1919, Mexique, création du Parti communiste mexicain. 1949, URSS, communiqué de l'agence TASS sur l'essai d'une bombe atomique en URSS. 1964, Mozambique, déclenchement de la guerre contre la colonisation portugaise. 1972, Espagne. Le travail reprend chez Citroën à Vigo. 25 ouvriers sont en prison. 25 ouvriers sont en prison. 150 sont licenciés. Plus de 500 sont condamnés à des amendes de 50 000 à 250 000 pesetas. 1973, France. Une troisième paye sauvage est décidée chez LIP. 1975, Portugal. Un numéro spécial de Republica paraît en français avec le titre « Portugal, France, Europe, aux mains des travailleurs, ce journal est une arme ». Mais un journal peut être une arme, donc. Un journal peut être une arme. Ah, bon. 1978, France. Suite au deuxième plan acier annoncé par le gouvernement à l'appel des syndicats, les ouvriers de la sidérurgie Lorraine... La sidérurgie Lorraine, vous en souvenez de la sidérurgie Lorraine? Et de Fos-sur-Mer débraye massivement. 1980, Italie. Grève générale au Piémont et en Campanie. Manifestation internationale à Turin et à Naples en soutien aux ouvriers de Fiat. 1980 encore, mais en Pologne, un article de la Pravda laisse entendre que les accords de Gdańsk ne constitue qu'un recul tactique, la doctrine fondamentale ne pouvant pas être mise en cause. Point de suspension. 1981, Pologne, le Parlement adopte un projet de loi sur l'autogestion. L'autogestion, 1981. Depuis que la Pologne est entrée dans l'Europe, elle a mis à l'application l'autogestion, bien sûr, hein. Ou alors, on ne sait pas. L'autogestion préalablement acceptée par les dirigeants de Solidarité, avec un S majuscule à Solidarité, Solidarnos, qu'on disait à l'époque. 1982, Israël, manifestation de 400 000 personnes ce samedi à Tel Aviv contre le gouvernement, jugé responsable des massacres de Beyrouth. C'est la plus grande manifestation en Israël depuis la création de l'État. 1983, Uruguay. Une deuxième journée de protestation nationale marquée par un concert de casseroles témoigne de l'inquiétude de la population face au régime militaire en place depuis 10 ans. Alors, mon calendrier s'arrête à 1983. Bien entendu, 1983, 2023, il s'en est passé des choses. Hein, bien sûr, ça a continué à se passer les choses. Thank you. suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille, pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs, chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand, monsieur le président. Si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance, au fond de votre planque, on ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le président, et sous votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. Ravie de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on commence avec un endroit singulier de la planète, le détroit de Gibraltar. À peine 15 kilomètres, c'est par ici l'Espagne du Maroc, l'Europe, de l'Afrique. Et nous sommes, vous le voyez peut-être, à la frontière entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. C'est l'un des lieux de circulation maritime les plus fréquentés de la planète. Le détroit de Gibraltar, par lequel je voulais commencer pour vous emmener en Espagne, ce pays européen si bien servi par la géographie, vaste territoire entre deux continents, deux mers, puissant également par sa langue, le castillan étant sa domination en deuxième position derrière le chinois. L'Espagne, un pays que les retournements de l'histoire ont pourtant conduit à une certaine retenue dans l'usage qu'elle aurait pu faire de sa puissance. Ainsi, aujourd'hui, Madrid apparaît comme un acteur discret des relations internationales. Essayons de comprendre pourquoi avec nos cartes. À la pointe sud-ouest de l'Europe, l'Espagne occupe une position géographique singulière. Au carrefour, on l'a dit, entre le continent européen et l'Afrique du Nord, qui sont donc séparés par le stratégique détroit de Gibraltar. L'Espagne partage la péninsule ibérique avec le Portugal, à sa frontière ouest. Le pays ouvre à l'est, sur la Méditerranée, avec les îles Baléares. À l'ouest, sur l'Atlantique, jusqu'à l'archipel des Canaries. Et au nord, sur le golfe de Gascogne. Les Pyrénées délimitent la frontière terrestre avec la France. Au sud, l'Espagne revendique le contrôle de Gibraltar, une enclave britannique depuis 1713, et elle possède les villes de Melilla et Ceuta sur la côte marocaine, on y reviendra. Le territoire espagnol, plus de 500 000 km², est strié de nombreuses chaînes de montagnes, les sierras. Son climat aride et sa grande couverture forestière le rendent particulièrement vulnérable au changement climatique et chaque été, les incendies ravagent des centaines de milliers d'hectares de forêt. Avec 47,4 millions d'habitants, l'Espagne est le quatrième pays le plus peuplé d'Europe, mais loin derrière l'Allemagne, la France et même l'Italie. Comme ailleurs en Europe, la population espagnole vieillit, mais le solde démographique reste positif car le pays accueille un nombre important d'immigrés, marocains, roumains, britanniques et colombiens notamment. L'économie espagnole, la quatrième de l'Union européenne, est avant tout basée sur les services qui représentent 67% environ de son PIB. Le tourisme est le premier secteur d'activité espagnole en chiffre d'affaires et en emploi, grâce à la richesse culturelle et les innombrables plages qui attirent des touristes venus de toute l'Europe, allemands, britanniques et français sur le podium. L'ouverture sur le monde de l'Espagne est liée à sa géographie, mais aussi à son histoire, faite de brassage et de colonialisme, et c'est ce qu'on va voir maintenant. À partir de 711, la péninsule est en grande partie conquise par les Maures musulmans. Au cours des siècles suivants, ils y installent une brillante civilisation islamique à l'Andalous, dont la capitale est Cordoue. Chassés vers le nord, les chrétiens entreprennent alors la Reconquista. 8 siècles plus tard, elle s'achève avec la prise de Grenade en 1492 par l'armée des rois catholiques de Castille et d'Aragon. Les musulmans et les juifs sont contraints à l'exil ou à la conversion. En 1492 également, la couronne espagnole finance le premier voyage de Christophe Colomb, marquant le début de la colonisation espagnole du monde. Ainsi, vers 1547, regardez l'étendue de l'empire de Charles Quint. En Europe, où il règne sur l'empire des Habsbourg, au Maghreb et aux Amériques. En 1580, l'empire de Felipe II s'agrandit vers l'Asie, aux Philippines. Mais en 1648, ce siècle d'or colonial prend fin et la puissance espagnole entame un lent effacement de la scène économique et politique internationale. À la fin du XIXe siècle, c'est l'indépendance des dernières colonies espagnoles et la mainmise des États-Unis sur l'Amérique latine. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, puissances dominantes en Europe, se partagent alors l'Afrique. L'Espagne n'obtient qu'une portion congrue, le Rio de Oro, puis en 1912, un protectorat situé au nord du Royaume du Maroc, par un accord avec la France. En 1923, après le coup d'État du général Primo de Rivera, l'Espagne se fracture entre forces révolutionnaires ouvrières et grandes bourgeoisies contrôlant l'armée. En 1931, est instaurée la Seconde République. 1936, un soulèvement de généraux putschistes appuyés par l'Église et la grande bourgeoisie déclenche la guerre civile. Le général Franco, soutenu par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, soumet l'armée républicaine après 3 ans de combat. Mais contrairement à Hitler et Mussolini qu'il soutient durant la Seconde Guerre mondiale, Franco reste au pouvoir à la fin de la guerre et ne le quitte qu'à sa mort en 1975. La répression est féroce, 200 000 morts et près d'un demi-million d'exilés politiques. Et dans les années 60, cette répression se concentre sur l'ETA, une organisation indépendantiste basque qui fait pression sur le régime par la violence armée. Après la mort de Franco, l'Espagne, mise au ban sous la dictature, rejoint tardivement le camp des démocraties occidentales. 1982, Madrid intègre l'OTAN et le Parti socialiste espagnol arrive au pouvoir. 1986, l'Espagne entre dans la Communauté européenne. Les subventions vont alors métamorphoser le pays. La population se libère, à Madrid c'est la Movida, une vague de changement parcourt la société et la culture espagnole. Alors aujourd'hui, où en est l'Espagne? Ancrage dans la démocratie, modernisation de l'économie, fin du terrorisme basque, rayonnement culturel. Le pays a désormais trouvé sa place parmi les nations européennes, une place singulière et un certain nombre de défis toujours à relever. C'est ce qu'on va voir maintenant. Depuis 2010, l'Espagne traverse une grave crise politique. Elle oppose en Catalogne les indépendantistes, qui sont majoritaires dans cette région, au pouvoir central. Le référendum de 2017, tenu dans un climat de grande tension et de manifestations géantes, a engagé la Catalogne dans un processus de séparation jugé depuis illégal par Madrid et désormais suspendu. Autre enjeu sensible, la mémoire de la guerre et des crimes de la répression franquiste qui continue de diviser les Espagnols. Les défenseurs des victimes de la dictature réclament l'ouverture des fosses communes qui abriteraient près de 130 000 corps et l'abrogation de la loi d'amnistie de 1977 qui bloque tout procès. Depuis octobre 2022, la loi dite de mémoire démocratique engage néanmoins la responsabilité de l'État pour financer les fouilles et les exhumations. Sur le plan économique, l'Espagne se remet enfin de la grande crise de 2008 qui a entraîné une récession de plusieurs années. Cette crise a aussi conduit en mai 2011 au mouvement des indignés, une contestation du système par de jeunes urbains qui ne se reconnaissaient plus dans les partis traditionnels. Le Covid fut une épreuve particulièrement difficile pour le deuxième pays le plus visité au monde, mais le tourisme repart aujourd'hui à la hausse. En 2022, l'Espagne a accueilli plus de 71 millions de visiteurs, presque autant qu'avant la pandémie. À Barcelone, la capitale catalane, ce tourisme de masse, 27 millions de visiteurs par an pour 1,7 million d'habitants, a d'ailleurs provoqué une profonde lassitude. La situation économique du pays se rétablit peu à peu. Fin 2022, le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans, à 12,5% en moyenne. Ce chiffre reste cependant le plus élevé d'Europe et il cache de grandes disparités régionales. On le voit sur cette carte, qui montre bien les inégalités économiques entre le nord et le sud du pays. Plus la couleur est foncée, plus le taux de chômage est élevé. Alors sur le plan géopolitique à présent, où va l'Espagne ? On va le voir, elle tente de profiter au mieux de sa position charnière entre Europe et Maghreb, laquelle est aussi parfois une source de tension. Le pays est en effet en première ligne sur les routes migratoires occidentales entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, qui passent par le Maroc, puis les côtes et les îles espagnoles. Celles et ceux qui risquent leur vie à bord de pateras arrivent aux Canaries ou dans les autres ports espagnols. De plus, l'Espagne est le seul pays européen à avoir une frontière terrestre avec l'Afrique, à Ceuta et Melilla, villes vestiges de la colonisation. Madrid y coopère avec Rabat pour refouler les migrants qui tentent de franchir les barbelés et d'entrer sur le territoire européen. Cette coopération a un prix diplomatique. En mai 2021, les forces de l'ordre marocaines ont laissé passer 8000 migrants en 24 heures à Ceuta pour faire pression sur le gouvernement espagnol à propos de la question du Sahara occidental. Depuis 1976, ce territoire est en effet disputé entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste armé par l'Algérie. Alors que l'Union européenne défend un règlement de ce conflit par un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez a décidé début 2022 de soutenir la proposition de paix marocaine. Conséquence de ce virage diplomatique, l'Algérie a suspendu le traité de coopération l'alliant avec l'Espagne. Alors que l'Espagne est très dépendante des importations de gaz algérien, Alger a décidé d'augmenter le prix du gaz vendu aux Espagnols, aggravant encore l'inflation. Porte de sortie pour l'avenir, l'éolien, l'hydraulique et le solaire, qui ont représenté plus de 21% du mix énergétique espagnol en 2020. Voilà pour ce voyage en Espagne, richement doté par la géographie, malmené par l'histoire, notamment avec la guerre civile et les années Franco. L'Espagne, une puissance comme retenue, qui pour peser davantage, notamment au sein de l'Union européenne, est en train de se rapprocher de son voisin portugais, en dépit de relations souvent houleuses par le passé. La preuve, cette photo où l'on voit au centre Antonio Costa, Premier ministre du Portugal, et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, en mars 2023, lors d'un sommet ibérique à Lanzarote, aux Canaries. Ils se sont notamment mis d'accord pour être à l'avant-garde en Europe des énergies renouvelables. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'une spécialiste de la culture espagnole, « Le traitement de la crise en Espagne », publié chez Atlante. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt. Tabernito en la urbo, kutime tie sidas ĉiuj ni por diskuti revojn de futuro kaj trinki al kalikoj du aŭ tri. La gajaj tagoj jen pasintaj tempoj jen. Tanto danzo risi sin fine, la vivo pesa sien, con chi unia te, la iura al futuro planas en gen. La la la la la. trepasis jaroj okupitaj. Miaj sonĝoj flugis de mi for, sed ne perdis ni la bonan esperon. Brilas miaj revoj en la cor. La gaja tago jen, pasintaj tempoj jen, la kanto da sorigis min sen fin. La vivo pezas jen, kun kiru mia cen, la junura futur planas sen ĝen. Tavernu haltis mil vespere, samis ciu kiel frue pli. Visaggio sur la glaso spegulite, spectrigis tutte fremde tiel li. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis min sen fin. La vivo presa sien, con chiru mi accen, ma io non al futur plana sen gen. La la la la la la la la. Conata, vidas mi vin, vocas vin hieno. Jen amico, igis ni pli agiae, peredigis nur al mi la eta sogni. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto da la vivo presa sien, con tirunia sien, la inular futur plana sen gen. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Des bactéries E. coli dans des pizzas, des salmonelles dans des chocolats et des listeria dans des fromages. Au printemps dernier, les scandales sanitaires se sont enchaînés. Avec pour certains, des conséquences graves, 2 enfants sont décédés et près de 80 personnes ont été hospitalisées en France. Aujourd'hui, quand je fais à manger, c'est avec la boule au ventre. Savoir est-ce que mes enfants vont être malades. Dans les usines, la réglementation en matière de sécurité sanitaire est pourtant claire et les mesures d'hygiène sont strictes. Mais le risque zéro n'existe pas Alors, les chercheurs se penchent sur de nouvelles solutions contre les intoxications alimentaires. Alors, on peut qualifier les bactériophages de gentils virus et qui infectent les bactéries, en particulier les bactéries qui sont pathogènes pour l'être humain. En attendant, comment tirer les leçons des scandales sanitaires passés ? Intoxication alimentaire, faut-il en avoir peur ? C'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour à tous, bienvenue dans État de santé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder votre assiette d'un drôle d'air ? Avec méfiance. En fait, 48% des Français sont beaucoup plus méfiants, ne font plus confiance en réalité dans l'industrie agroalimentaire depuis les derniers scandales, en particulier du printemps 2022. On va en parler avec notre invité. Bonjour Cyrelle Parmentier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes néphrologue en pédiatrie à la PHP. Vous ne voyez passer que des enfants. D'ailleurs, à force de parler intoxication alimentaire, traiter intoxication alimentaire, vous-même, quand vous regardez votre assiette, ça vous arrive de tordre le nez ou pas ? Je suis vigilante et encore plus pour l'assiette de mes enfants. Cyrelle Parmentier, combien de personnes sont hospitalisées chaque année dans votre service pour intoxication alimentaire ? Alors, dans mon service passent plus particulièrement ces enfants atteints d'un syndrome hémolytique et urémique. Je dirais que par an, à peu près une quinzaine. Définition du syndrome ? Syndrome hémolytique et urémique, c'est donc cette fameuse maladie qui est liée à un Escherichia coli, donc qui a été ingérée par les enfants. Et c'est un certain type d'Escherichia coli qui va être producteur de ce qu'on appelle une toxine. C'est cette fameuse toxine qui va entraîner des symptômes classique d'une gastro-entérite, d'une intoxication alimentaire, mais qui va aussi aller attaquer d'autres organes et parfois régulièrement les reins. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que néphrologue pédiatre, on est très sensibilisés à cette maladie-là. On voit bien que vous êtes une spécialiste. On regarde votre parcours. Cyrelle Parmentier est néphrologue pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau de la PHP. Elle est spécialisée dans la prise en charge des enfants atteints de maladies rénales. C'est donc dans son service qu'ont été hospitalisés certains des 55 enfants qui ont contracté un syndrome hémolytique et urémique après avoir consommé une pizza surgelée contaminée au printemps 2022. La plupart des enfants qu'elle suit, pour ces formes graves d'intoxication, ont moins de 5 ans. Alors, docteur Parmentier, vous avez donc des enfants sous votre garde dans votre service. Pourquoi les enfants sont-ils plus exposés à ce type de risque ? Oui, c'est une bonne question. On a l'impression, en tout cas les hypothèses qui sont formulées, c'est principalement que les petits-enfants, parce que c'est souvent, on a tendance à dire des moins de 5 ans, même si on a aussi, et notamment dans l'épidémie avec butonie, on a eu des enfants entre 5, 12, c'est plus en lien avec la fragilité de la muqueuse intestinale. Donc on a l'impression que les enfants sont plus susceptibles de justement d'être sensibilisés à cette toxine-là, particulièrement. D'accord. Plus que des adultes, mais ça peut aussi, parfois, on peut aussi avoir des adultes dans les services pour adultes, et on sait que des personnes immunodéprimées ou des personnes très âgées vont aussi avoir cette fragilité-là. Donc quand on parle d'intoxication alimentaire, on a souvent le sentiment qu'il s'agit quoi ? D'une grosse gastro. Oui. Hein ? On a une mauvaise digestion. C'est très très grave en réalité parfois. Et vous avez eu récemment un décès d'enfant dans votre service, sauf erreur. On a eu au printemps dernier des situations en effet qui sont beaucoup plus graves qu'une simple gastro-entérite. Parce que cette fameuse toxine dont je vous parlais tout à l'heure, elle va aller toucher des organes, et des organes qui sont dits des organes vitaux. Donc les reins, avec des enfants qui sont plus en capacité d'uriner, qui ont besoin parfois même d'une dialyse pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais aussi on peut avoir une atteinte qui peut être au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Et dans ces cas-là, on peut avoir en effet des conséquences qui peuvent être dramatiques, avec malheureusement des séquelles, voire des décès. Heureusement, c'est absolument pas la majorité de nos patients, heureusement. Ça c'est reste, rarissime. C'est rare, mais ça fait mais partie ça peut arriver, des complications. Et exactement. C'est arrivé, oui. Malheureusement. Quelles sont les principales bactéries et aliments responsables de ces intoxications potentiellement mortelles ? La plupart du temps, c'est ce fameux Escherichia coli. Donc, qu'on appelle aussi E. coli. Voilà, hein. C'est son petit nom. Oui. C'est l'ingestion de produits en provenance classiquement des bovins. Le plus souvent, c'est la vache. Et donc la vache va être porteuse de ce fameux E. coli, mais la vache s'en porte, elle, très bien. Et lorsque vous allez ingérer des produits issus de cette vache-là qui était porteuse de ce E. coli, eh ben, l'homme, et donc comme on l'a dit, les petits-enfants, vont eux être susceptibles de faire ce fameux SHU parce que la toxine va aller s'attaquer à tous ces organes. À quoi faut-il faire attention? Quels sont les symptômes que son enfant ou l'enfant d'un autre peut être victime? Au départ, ça peut s'apparenter à une gastro classique, comme vous l'avez dit. Le plus souvent, on va avoir tout de même des enfants qui ont des symptômes qui peuvent être déshydratés. Donc, c'est des enfants qui sont affaiblis, qui ont du mal à s'alimenter parce qu'ils ont une diarrhée. Et cette diarrhée, la particularité de cette diarrhée et ce qui peut alerter, c'est que c'est une diarrhée dans laquelle on peut avoir du sang. Cette toxine a abîmé les intestins et vous pouvez voir du sang. Et donc, les enfants arrivent jusqu'à nous par les urgences ou par le pédiatre qui, là, s'est alerté en se disant « Tiens, c'est pas une gastro comme d'habitude. Là, je le trouve pas bien. Je le trouve pâle parce qu'on peut aussi avoir ce qu'on appelle une anémie. Donc, c'est des enfants qui sont très pâles. Là, il faut faire une prise de sang. Et c'est classiquement, c'est la prise de sang qui va nous guider. Mais la prise de sang, elle est bien entendu pas faite pour tous les enfants qui ont une gastro, mais pour certaines situations que les pédiatres ou que les urgentistes connaissent bien d'un enfant qui va moins bien. Alors, il y a évidemment les intoxications qui sont produites par des produits qu'on achète transformés. Mais il y a aussi des tas de gestes qu'on peut faire à la maison pour éviter de décupler le risque. Je vous propose de regarder cette infographie. En général, quand un plat ressemble à ça, c'est que quelque chose ne va pas. Mais parfois, un aliment a beau être appétissant, il peut cacher une très mauvaise surprise. Des bactéries comme les salmonelles, les listeria ou les escherichia coli qui peuvent être très dangereuses. Heureusement, il est possible de les éviter ou de les neutraliser. Prenons ce steak, par exemple. Tout commence dans le réfrigérateur. La viande crue doit être stockée à l'écart des autres aliments dans la zone la plus froide, à 4 degrés. Si le steak est surgelé, c'est ici qu'il doit être décongelé. Ensuite, il faut se laver les mains et utiliser des ustensiles propres. Après la manipulation de la viande crue, c'est la même chose pour éviter de contaminer d'autres aliments. Passons à la cuisson. C'est une étape très importante pour tuer les micro-organismes. Ce steak haché doit être cuit à cœur pendant environ 2 minutes à 65 degrés. Surtout, pas de viande rosée si elle est destinée à une femme enceinte, à un jeune enfant ou à une personne immunodéprimée. Après le repas, les restes vont directement au réfrigérateur et doivent être consommés dans les 3 jours. Hygiène, cuisson et conservation sont donc les 3 principes à garder à l'esprit pour tenir les intoxications à l'écart. Alors donc le stockage à bonne température, se laver les mains, après toute opération, laver les ustensiles. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous nous donneriez ? Il faut juste pas oublier que la congélation ne va pas protéger, ne va pas éliminer cette fameuse bactérie. C'est vraiment la cuisson. Le super froid, ça n'élimine pas les bactéries du tout? En tout cas, pas celle-là. Elle va être très bien à moins 70. C'est d'ailleurs comme ça que vous conservez vos bactéries dans les grands laboratoires, c'est en les mettant au congélateur. Ah, oui. Donc, il faut vraiment les cuire. Vous avez raison. Je crois que vous préconisez que les jeunes enfants puissent toucher les animaux. Comment empêcher un enfant de toucher un poney ou même une vache? Bien sûr, quand vous allez à la ferme avec votre loulou, vous n'allez pas l'empêcher de toucher les animaux, mais vous attrapez pas la pomme qui est tombée par terre au contact des excréments des animaux. Vous la lavez avant, vous la lavez les mains de vos enfants. Est-ce que vous avez noté d'ailleurs des changements d'alimentation dans les familles en matière de sûreté alimentaire? Je dirais que l'agroalimentaire est partout, donc on a vraiment des familles qui vont utiliser les produits qui sont préparés, parce que tout le monde travaille, tout le monde est pressé, et c'est normal, on fait tous ça. Et puis à l'inverse, on va avoir des familles qui vont avoir envie de faire tester des choses, parce qu'on va leur dire « Ah, il faut éduquer le goût ». Alors éduquer le goût, ça peut être avoir envie de donner du fromage au lait cru parce que le Saint-Marcellin c'est bon. Ben non, pour les tout petits par exemple, on va dire à ces familles-là, vous avez envie de leur éduquer le goût, mais il y a certains produits, notamment le fromage au lait cru. Eh ben non, pas pour les tout petits. Le fromage au lait cru. À partir de quel âge alors? Ben pareil, on a tendance à dire pas avant 5 ans. Ah bon? Ouais. Ah oui. Pas de cuite, pasteurisé. Si on est pasteurisé. Un fan de Saint-Marcellin, il faut surtout pas le donner à ses enfants. Non. On a assez peu, finalement, de pédagogie autour de ça. Ben oui, et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'il faut qu'on communique auprès des familles. Parce que la plupart des familles qui arrivent, elles nous disent « je savais pas ». Y a-t-il des raisons de craindre des failles dans la sûreté, la chaîne alimentaire, justement? Je vous propose de regarder le reportage de Marianne Cazot. Quand l'heure du repas approche, l'angoisse se fait sentir dans la cuisine de Gwenaëlle Caron. Car depuis qu'elle a failli perdre sa fille, pour cette mère de famille, tout aliment peut contenir un danger mortel. Ah, j'ai plus confiance du tout parce que on ne sait pas au jour d'aujourd'hui si ça va. Et puis ça se trouve, dans un mois, on va nous dire « Ah ben non, finalement, ce que vous avez mangé, ça n'allait pas. » Aujourd'hui, quand je fais à manger, c'est avec la boule au ventre. Savoir est-ce que mes enfants vont être malades. C'est en consommant une pizza Buitoni au printemps dernier qu'elle a contaminé sa fille. Depuis, elle se lave sans cesse les mains. Atteinte d'un syndrome dit SHU, à seulement 9 mois, Inaya a passé 25 jours dans le coma. La petite fille s'en est sortie, mais garde des séquelles. Elle pourrait avoir besoin d'une greffe de rein dans quelques années. Qu'est-ce qu'elle avait, Naya, là? Qu'est-ce qu'elle avait, Yaya? Bobo Yaya. Traumatisée, Gwenaëlle Caron consulte tous les matins ce site qui répertorie les retraits rappels de produits avec le sentiment que tout ce qui est issu de l'agroalimentaire n'est pas sûr. Alors ces craintes sont-elles justifiées? Pour le savoir, il faut s'intéresser au paquet hygiène, la réglementation européenne pour la filière agroalimentaire en vigueur depuis 2006. Elle donne des obligations aux entreprises en matière de traçabilité, de retrait de produits et d'information des autorités. Les industriels sont tenus responsables de la sécurité alimentaire. Ils doivent notamment effectuer des autocontrôles réguliers à tous les stades de la fabrication. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a participé à l'élaboration de cette réforme. Ce changement de paradigme, il est très important avec le paquet hygiène et il remet la responsabilité sur les entreprises et ça remet l'accent sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur finalement la prévention, les mesures de maîtrise que l'on doit mettre en place pour prévenir la contamination. Et pas simplement dire « j'ai fait un test, il est négatif, je ne suis pas responsable ». C'est une des raisons pour lesquelles les infections alimentaires sont stables, voire en légère baisse depuis 10 ans. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Comme l'a montré l'affaire des laits infantiles contaminés en 2018, ou celle des pizzas Buitoni, qui a touché la famille de Gwenaëlle Caron. Malgré les mesures d'hygiène strictes, les failles existent, comme le prouvent ces photos publiées par Mister Mondialisation en 2021. Elles montrent l'usine de Caudry, où étaient fabriquées les pizzas Buitoni, dans un état d'insalubrité inquiétant. D'après une enquête de Disclose, un rapport de la répression des fraudes datant de 2020 pointait déjà des manquements. Le plafond est malpropre. Des souillures marron sont visibles au niveau des poutres et sur les parois murales. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, si j'ai ma cuisine qui est moitié moins sale que ça, on est susceptible de m'enlever mes enfants pour manquement à l'hygiène. Et eux, et rien. C'est pas normal. Aujourd'hui, il faut plus jamais que ça arrive, ce genre de choses. Vraiment. Plus... Non. Gwenaëlle Caron a décidé de porter plainte. Ce n'est pas la première fois que des grands groupes comme Nestlé, propriétaire de Buitoni, sont touchés par des scandales sanitaires. L'ONG Foodwatch en a fait sa spécialité. Pour Karine Jacquemart, malgré une réglementation claire, certaines entreprises ne remplissent pas leurs obligations. Alors c'est aux autorités de jouer leur rôle. La confiance aveugle, c'est faire prendre des risques inconsidérés aux consommateurs. Et on voit bien que dans le système aujourd'hui d'un manque de transparence et le climat d'impunité, où on a des entreprises comme Nestlé qui manifestement se croient au-dessus des lois, ça n'est pas possible de s'appuyer que sur la confiance aveugle et les autocontrôles des entreprises. Il faut qu'elles sentent qu'il y a des contrôles sur elles, qu'elles doivent rendre des comptes et qu'il y ait des sanctions dissuasives. Or, les moyens des autorités de contrôle sont en baisse. En 2021, la Direction générale de l'alimentation a effectué 48 800 contrôles de sécurité alimentaire, soit 16% de moins qu'en 2019. Et la répression des fraudes a perdu plus de 600 agents depuis 2007. Pas de quoi faire peur aux entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Il en faudra plus pour restaurer la confiance. Docteur Parmentier, la maman qui est dans le reportage de Marianne Cazot, évidemment, elle est paralysée quand elle achète. Elle se demande si elle va faire du bien ou du mal à son enfant. C'est terrible, comme idée. Vous en rencontrez souvent des familles qui, après un tel traumatisme, sont ainsi vraiment totalement désemparées? C'est dur. Il y a un avant et un après. C'est des familles qui sont hospitalisées. Une semaine avant, tout allait très bien. Et puis là, il y a une hospitalisation parfois longue, parfois lourde. Donc on comprend tout à fait cette famille. Il faut arriver à reprendre confiance et puis parfois changer les habitudes. On voit que cette maman ne fera probablement plus confiance pour le moment aux produits préparés et elle va faire elle-même. Et nous, on les accompagne pour reprendre confiance dans leur quotidien. Docteur Parmentier, à partir du moment où un enfant arrive dans votre service et que vous diagnostiquez une intoxication alimentaire grave, comment alertez-vous ceux qui peuvent être concernés par ce problème? On va aller envoyer un écouvillon de sel, donc dans ce qu'on appelle le centre de référence. Donc nous, on travaille avec l'hôpital Robert Debré en Île-de-France, qui va essayer déjà d'identifier cette fameuse toxine. Et une fois qu'elle est identifiée, on va travailler main dans la main avec Santé publique France. Ils vont de façon assez précautionneuse appeler les familles et faire une enquête qui peut être longue et fastidieuse, où ils vont répertorier tous les aliments que l'enfant va avoir ingéré. Et c'est comme ça qu'on va... Sur lequel on revient jusqu'à... Quasi 10-15 jours avant le début des symptômes. Ah non, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Oui, que c'est fastidieux. C'est fastidieux, c'est long pour les familles, mais elles comprennent et elles jouent le jeu et on les en remercie. C'est comme ça qu'on fait des recoupements, parce qu'on a 4 familles qui ont mangé la même pizza. Exactement. Et si on ne trouve pas des coïncidences, des correspondances, des similitudes, eh bien, on n'a pas la réponse. Eh bien non, et ça arrive malheureusement, oui. Alors justement, vous vous souciez des moyens qui sont mis en œuvre par la puissance publique pour opérer des contrôles nécessaires sur la chaîne agroalimentaire. Et vous avez souhaité demander à la députée Géraldine Bannier, députée MoDem de la Mayenne, si depuis l'affaire Lactalis, il y avait eu des progrès en termes de prévention des risques. Et elle vous répond. C'est vrai qu'on avait relevé notamment un dysfonctionnement au niveau des procédures de retrait et de rappel. Et donc, il y a eu quand même des nouveautés, notamment via la loi Egalim. Les industriels doivent maintenant communiquer aux autorités publiques tout résultat d'autocontrôle qui est mauvais, que ce soit sur les produits ou sur l'environnement. Donc, on a quand même renforcé cette procédure. Et puis, il y a des choses qui ont été mises en place, comme un site internet dédié au retrait-rappel, depuis avril 2021, donc Rappel Conso, qui aide quand même les consommateurs à avoir une meilleure lisibilité des produits retirés. Docteur, parlons un peu maintenant des soins que vous apportez dans votre service. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces contre les formes d'intoxication que vous avez à traiter? La particularité de ce fameux Escherichia coli, c'est que on va avoir tendance à dire c'est une bactérie, je vais donner des antibiotiques. Si vous donnez des antibiotiques qui tuent l'Escherichia coli, il va libérer sa toxine. Et donc vous allez faire plus de mal que de bien. Attendez, répétez-moi ça. Quand vous donnez un antibiotique, je vais tuer l'Escherichia coli et lorsqu'il meurt, il va libérer des toxines dans le corps. C'est comme une bombe à fragmentation, dans le fond. Vous avez tout compris. Ouais. Et donc, vous allez faire à ce moment-là plus de mal que de bien, puisque c'est cette fameuse toxine qui va s'attaquer à nos organes cibles. Donc, la particularité de cette intoxication alimentaire-là, ce SHU, c'est qu'on est assez démunis en termes de traitement spécifique. On a tendance à traiter les conséquences. Mon enfant ne peut plus uriner, je vais le dialyser, il a une anémie, je vais le transfuser. Mais je n'arrive pas actuellement, en tout cas en 2022, on n'est pas capable d'éliminer la bactérie directement. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'elle produit? Vous traitez les symptômes et que la bactérie, elle reste dans l'organisme. Mais elle va s'éliminer progressivement. Elle s'élimine dans combien de temps? Ça, c'est pareil, variable d'un enfant à l'autre, et donc ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, il y a une autre piste de traitement qui pourrait remplacer justement les antibiotiques. Ce sont les bactériophages. Je les ai découverts grâce au reportage de Marianne Cazot, qui s'est intéressée à cette nouvelle piste. Reportage. Alors que l'inventeur de la pasteurisation veille, ces murs pourraient bien cacher une nouvelle manière d'éliminer les bactéries pathogènes de notre alimentation. Enfin, nouvelle pas vraiment. Alors on retrouve ici une collection de bactériophages qui ont été isolés dans les années 40 à 80. Ces bactériophages, appelés aussi phages, sont des virus mangeurs de bactéries. Ils ont été oubliés ici pendant des dizaines d'années. Et pour Laurent de Barbieux, ils méritent que l'on s'intéresse à nouveau à eux, face aux infections alimentaires. Alors certes, ils ne sont pas très engageants. Ils colonisent par exemple l'eau des égouts, ici celle de la région parisienne. C'est là où les bactéries sont les plus nombreuses que l'on retrouve le plus de bactériophages. Ils sont donc partout autour de nous. Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser, hein. C'est ça qui est extraordinaire avec les phages. Il y en a tellement qu'on n'est pas limité sur la quantité qu'on peut isoler de l'environnement. Regardons comment ces phages agissent contre les bactéries, comme les salmonelles ou les listeria. Il faut mélanger un peu d'eau d'égout et une solution bactérienne. Après plusieurs heures, certaines bactéries ont disparu, laissant apparaître des petits ronds transparents. C'est ici qu'elles ont été mangées par les phages. Par-delà les portes du laboratoire, les bactériophages pourraient être utilisés dans les élevages pour limiter la propagation des pathogènes parmi les animaux. Il y a aussi l'application directe chez l'être humain où on peut, dans le cas d'une épidémie qui est en voie de dissémination, essayer de cerner cette épidémie par la distribution à grande échelle de solutions de bactériophages dans une région donnée, par exemple, pour ralentir la dissémination de la bactérie pathogène. Mais pour que cela soit vraiment efficace, il faudrait un traitement préventif. C'est donc ce qu'a voulu tester le chercheur sur des souris. Ces colonnes représentent le tube digestif des animaux avant une infection aux salmonelles. À gauche, les souris ont reçu un traitement préventif de bactériophages. À droite, le groupe contrôle qui n'en a pas reçu. Lorsque l'on ajoute salmonella, on voit très bien que la quantité de salmonelle est extrêmement importante dans le groupe qui n'a pas reçu de bactériophages et elle est plus faible dans le groupe qui a reçu le bactériophage avec une réduction qui est assez importante. Même de manière préventive, ces bactériophages sont donc efficaces pour tuer les pathogènes comme ils le font sur cette image de microscope électronique. Néanmoins, pour le moment, les phages ne sont utilisés en France que dans les laboratoires de recherche comme ici ou dans des cas très rares d'impasse thérapeutique. Alors finalement, qu'ont-ils de plus que les antibiotiques qui s'attaquent aussi aux bactéries? Pour le savoir, regardons de plus près l'étude de Laurent de Barbieux. Chaque couleur représente un type de bonne bactérie que l'on trouve dans le microbiote des animaux. Avec ou sans bactériophage, sa composition reste la même à gauche et à droite. Donc les bactériophages ne changent rien à l'équilibre du microbiote intestinal. Et c'est important, car ces bonnes bactéries nous aident à nous débarrasser des mauvaises bactéries, comme les salmonelles. Le temps est venu pour les bactériophages d'être utilisés, puisque leur spécificité permet de ne pas toucher à cet équilibre microbien, d'aller vraiment cibler les bactéries pathogènes, au contrario des antibiotiques qui restent importants à utiliser dans les infections bactériennes, mais pour lesquelles on sait qu'aujourd'hui, il y a des effets secondaires sur ces flores microbiennes. Les bactériophages sont encore en cours d'étude, mais à l'heure de l'essor des résistances aux antibiotiques, ils pourraient bien prendre leur revanche sur ces médicaments qui les ont éclipsés depuis 1941 et relégués sur une étagère de l'Institut Pasteur. Docteur Parmentier, bactériophage, vous suivez ça de près? Parce qu'effectivement, c'est une piste prometteuse. C'est vrai que quand on voit le reportage, ouais. Ça donne envie de s'y attarder. Nous, en pratique clinique, on n'en utilise pas. C'est pas dans nos services. Ça fait pas partie de notre quotidien actuellement, dans notre arsenal thérapeutique. Peut-être que plus tard, la recherche, nous permettra de les utiliser. Mais en tout cas, et encore une fois, aller tuer cette fameuse bactérie, les toxines qui se libèrent, je ne sais pas dans quelle mesure les bactériophages pourront être une aide pour le fameux SHU. Peut-être. Que l'avenir nous le dira. Vous verrez ça, j'espère, avant de prendre votre retraite dans très très longtemps, docteur Parmentier. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries? Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. C'est finalement toute la problématique du microbiote. Comme vous le savez, on a beaucoup, beaucoup de bactéries. Et donc, tout notre système digestif est fait de plein de bactéries. Et un système digestif sans bactéries est un mauvais système digestif. Il y en a qui nous protègent. Et là, on n'arrête pas de parler de ce fameux E. coli. Mais tous les E. coli ne sont pas si toxiques et si dangereux que celui dont je vous parle. Il ne faut pas diaboliser le coli. Voilà. Il y a bon et mauvais E. coli. C'est ça. Heureusement. Alors, dernière question. quand on a un aliment transformé ou pas d'ailleurs, sous les yeux, dans sa cuisine, est-ce qu'il y a des indices auxquels il faut faire très attention pour éviter de les donner ? Non, je dirais que votre bon sens, c'est-à-dire bien sûr vous allez l'ouvrir, vous allez le sentir, vous allez regarder la date de péremption, mais à l'œil nu comme ça, non. Là ce dont on parle, c'est pas visible à l'œil nu. D'accord. Ce colis, on le verra pas. Pas de parano, encore une fois. Exactement. La majorité de ce qu'on mange est sain. Et vous diriez, pour finir, éviter les produits transformés au maximum ou non ? Non, je dirais, faites avec votre bon sens. Ça nous évitera d'avoir tous les industriels sur le dos. Non, je dirais, faites avec votre bon sens, faites comme vous pouvez. C'est toujours facile de donner des injonctions aux familles et aux familles qui travaillent et qui rentrent à 19h et qui n'ont pas le temps de cuisiner. Ouais. On fait comme on peut et on essaye de prendre du plaisir à table avec des consignes simples. Bon, vous avez raison. Merci beaucoup de cet éloge de la modestie et de toutes les informations que vous nous avez données, docteur Parmentier. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine émission d'État de Santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de Santé. Monsieur l'abbé, regardez votre soutane, elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de 6 notes dégénérées. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office ? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Tu vas mollo, là, parce que remarque, tu peux rien faire. Tu prends pas de casque, naturellement. Tu rigoles, non ? J'entends rien, ça me vibre dans les oreilles. Attention. Vas-y, ouais. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions, et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice, inventé le self-service. Allez, Jamais ! Je me sors pas de cette bande immédiatement. Oh, ben faudrait savoir ce que vous voulez, quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Il s'agit bien de parler du bon Dieu. Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert. Ah ouais, les clients, les marchands du temple, hein. Vous n'avez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça. Ben, je vous emmerde. Et moi, je vous trouve grossier, Gerbert, et je vous fous à la porte. Ah non. Non, non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans ou bons cons d'auditeurs les signes du zodiaque, le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors, Plantier, salut, je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Balèze en France. On est... Il y a des trucs qu'on est vachement balèze. Hein. Pour tout, mais il y a des trucs qu'on est vachement. Il y a des trucs. On suit. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française. Hein. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Impeccable, ça s'est passé. On en a des bons. Il y a comment il s'appelle, celui avec l'entonnoir, l'handicapé mental, là, comment... Michel Debré. Ah bah, alors voilà, là, qui est bon, Michel Debré. C'est celui qui voulait qu'on fasse des enfants. Parce qu'il va pas les faire, avec la gueule, pas les gosses. Ah, ça... pas déconner, non. On a des biens. Et puis, il y a machin aussi, comment il s'appelle, le frère Laspicrine, là, celle avec les dents, là, comment le... Le décapsuleur, on l'appelle. Denis Forbe, voilà, deux bières. Robert, oui. C'est celui qui est dû émerger. Robert Forbe, dû émerger, c'est ceux qui essayent de passer la tête. Émerger, ça fait rien, laissez tomber. Bon. Et, il est sorti de l'Elysée, il a dit les mecs, il y a déjà un chômeur de moins, j'ai trouvé du boulot. Moi. Pour les autres, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, c'est terminé. Sans blague. Ah non, là, des bons. On a JJSS qu'on dit que les initiales, parce que c'est d'autant que tu dis son nom, tout le monde est parti. Alors lui, c'est Bonnard, il est recordman du monde de petite durée dans le gouvernement, lui. 5 jours, il est resté. Quand il va à l'Elysée, il vous laisse ouvert, je repars tout de suite. Hein. Il serre les louches, hein. Il graisse les serrures, et puis il se corse, il a des petits boulots comme ça, c'est sympa. Et puis alors, dis donc, elle regarde, en Europe, t'as vu l'Europe? À Strasbourg, on disait, c'est pas demain la veille. Hé, hey, veille. Simone, la petite Simone. Les Simone sont de retour. Formidable, avant elle était ministre de la Santé, Simone Veil. Elle voulait plus qu'on fume. Eh ben même les cheminées du Nord ne fument plus. C'est quand même balèze, non? Alors, faut quand même y arriver. Ah non, on a des bons, hein. On a Soissons, qui est très bien, Soissons. Très bien, ministre de la Jeunesse et Sport. Enfin, surtout de la jeunesse, parce que lui, le sport, c'est celui qui a mis Mourouzi à la moto. Il est tombé au bol d'or, Mourouzi, il était crevé à l'arrière. Il y a un trou dans la chambre, il n'a pas pu finir. Et très bien. Et puis on a, comment on a, qui s'appelle aussi le Benet, comment c'est... Canuet. On a Canuet avec les dents. Canuet, c'est, on y avait dit, on a failli le perdre, hein, Canuet. Non, vous déconnez, mais... Eh, qui c'est qu'ils auraient mis à la place? Un autre. Eh oui, on fait pas grave. Canuet, on y avait dit, le dentier, tu le fais tremper le soir. Et lui, parce qu'il est pas fini, on voit bien, Canuet, il est pas... Il y a de la place dedans, on pourrait habiter à plusieurs. Alors lui, il a trempé la tête, on a failli le perdre. Toute la nuit, il a été attaqué par les bulles. C'est lui qui attaque. Ah non, on est emmerdé. Et puis on en a un qu'on a embêté aussi, qu'on a embêté avec. On est embêté, c'est avec le grand. Le grand avec les lunettes. Jack. Avant, était copain, Giscard d'Estaing, c'était le genre un peu mon cul ma chemise, tout ça, que les gens disaient, mais enfin, qui c'est la chemise? Et puis maintenant, on commence à avoir une idée, quoi. Non, parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Giscard et Chirac? Il n'y en a pas, hein? Mais Chirac, le sait pas, l'autre. Tandis que l'autre, il a bien vu, il a dit que c'est le même, allez, foutez-moi ça dehors. Et hop là, circulez, il n'y a rien. On est emmerdé, hein? Parce qu'en plus, on est le pays qu'on vote le plus en France. On est tout le temps en train de voter. Alors, bon, l'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, c'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on en a plus, nous, alors c'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers, c'est pas méchant non plus, mais enfin, il y en a que ça. J'y suis pas allé, il y a pas d'herbe dans ma rue. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le journal? J'ouvre le journal, qu'est-ce que je lis? Il paraît que la gauche est achetée par Moscou. Non, si, il paraît. Je crois pas, si. La gauche est achetée par Moscou. En gros, la merde. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. On l'a emmerdé. Et puis alors, bon, parce que vous prenez les hommes politiques, alors prenez n'importe quoi, par exemple, prenez le conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses, ils vont ensemble, bon. Pour déporter, c'est sympa, il y a le garde des sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, ben, j'ai une petite idée, tu la gardes, hein, monsieur. T'as vu dans quelle merde on est déjà? Alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti, hein.

c'était un l'arbitraire le plus total. Il est arrivé dès le début de l'occupation à Paris. Membre du parti nazi depuis 1931, Greven s'est illustré dans des productions comme Der alte und der junge König en 1935, dont la vision autoritaire du roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse a été appréciée par les dirigeants nazis. C'est vraiment dommage qu'il y ait une telle divergence entre la personnalité et les compétences, se désole Goebbels dans son journal. La plupart du temps, les personnalités les plus douteuses sont les plus capables. Le ministre de la Propagande considère en effet Greven comme un vulgaire parvenu. Mais s'est résolu à lui laisser la haute main sur l'industrie cinématographique française. Pour l'heure, cette industrie est à l'arrêt. Un service de propagande est créé en juillet, la Propaganda Abteilung, dont le département cinéma est dirigé par le docteur Dietrich. Il est rattaché à la Wehrmacht. Sa première décision est d'interdire la diffusion de tous les films français antérieurs à 1937. Toute personne possédant un négatif ou une copie de film doit en faire la déclaration pour permettre sa saisie. La Grande Illusion de Jean Renoir, par exemple, va être emportée en Allemagne. Tout tournage, même amateur, est rigoureusement interdit. À partir de juin 40 et jusqu'à la libération, pas un mètre de pellicule n'a été impressionné en France, que ce soit sous la zone occupée ou dans la zone dite libre, sans l'accord officiel pour le Nord ou tacite pour la zone sud des Allemands. Ils contrôlaient directement ou indirectement tout. Alfred Greven crée officiellement la société Continental Film le 1er octobre 1940, avec un capital d'1 million de francs. L'annonce est faite dans la presse. Elle est plus discrète cependant sur son propriétaire, qui n'est pas l'État allemand, mais Alfred Greven lui-même, avec 98% des parts. Il a stoppé toute la production française et il a créé une production qu'il appelait la Continental Film, qui était une société de droit français dont il était PDG, mais n'empêche que tous les intérêts étaient à lui, allemand, et son personnel aussi, son personnel supérieur était allemand. Et puis il a engagé, il faut bien le dire, tout ce qu'il a voulu comme auteur, acteur et technicien, s'il était seul à fonctionner, il avait fermé tout le reste. Je reçois un coup de fil de la Continental me disant « Monsieur Greven voudrait vous rencontrer ». Alors nous étions, parce que j'étais très ami avec Henri Decoin, qui venait de faire un film avec Daniel Darieux, et nous étions un peu, nous méfions, on dit, à faire un film avec la Continental, société allemande, est-ce que... nous étions plein de méfiance. Greven s'évertue à rassurer ses interlocuteurs. « Je veux vous aider, aider la production française », déclare-t-il. Il n'est pas question de faire de propagande, je veux faire des films uniquement commerciaux. Et j'engage M. Carnet, j'engage Mme Darieux, j'engage M. Decoin, j'engage M. Fernandel. Greven applique là strictement la politique culturelle voulue par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels. Produire des films sans aucun contenu intellectuel, purement divertissant. Le cas de Marcel Carné est intéressant, car ni l'interdiction récente de ses films, ni ses inclinaisons politiques, ne semblent altérer son attrait. Seul compte sa valeur commerciale. Des réalisateurs reconnus comme Abel Gance, mais commercialement incertains, sont écartés. Greven ne s'adresse qu'à ceux qui ont signé les plus grands succès d'avant-guerre, mais en leur proposant des salaires réduits de 25%. Et je dis oui, mais à deux conditions. Scénario choisi d'un commun accord et scénario tourné, film tourné obligatoirement en France. Et il ne voulait absolument pas signer. Et Matignon m'a convoqué, la personne Matignon m'a dit, le représentant de Vichy, si vous ne signez pas, le cinéma français ne repartira pas. La Chine ne repartira pas, moi je n'ai pas signé cette clause. Car le gouvernement de Vichy ne veut pas tout laisser à Greven. Et souhaite aussi redémarrer le cinéma français dans son ensemble. Pour la première fois, un gouvernement français envisage de créer un organisme spécifique pour coordonner enfin la profession. Mais ces décrets sont bloqués par la Propagandastaffel. Mais cette propaganda Staffel était aux ordres de Greven, ami de Göring, car il savait très bien que le Marshal était derrière et que s'il prenait des décisions qui n'étaient pas conformes au désir de M. Greven, ils allaient prendre sur les doigts, ils allaient aller sur le front de l'Est. L'état de fait, c'était M. Greven, le patron absolu du jeu, avec sous ses ordres réels M. Diedrich, qui en fait ne bougeait pas une oreille sans l'autorisation de Greven. Il avait tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Mais il n'en faisait pas état. Jamais il ne disait que c'était lui, M. Diedrich. Il avait toujours un alibi. Mais Diedrich était comme ça quand on parlait de Greven, ça se voyait très bien. Si Greven cède aux exigences de Carnet, il n'hésite pas à exercer un chantage sur des artistes fragilisés qu'il embauche à moindre coût ou à des tâches inférieures. C'est le cas du scénariste Henri-André Legrand, auteur au printemps 1940 d'un ouvrage interdit sur les prisons nazies. Il m'a tout de suite parlé de mon livre, se souvient l'écrivain, me disant « Si vous travaillez à la Continentale, vous aurez votre autorisation de travail, alors que sans cela, évidemment, vous pourrez être considéré comme un ennemi. » Legrand cède son scénario de la Symphonie Fantastique à moitié prix. Carnet, Decoing, Dréville, signe. Greven a ce qu'il voulait. Il s'est servi le premier. La propaganda Abteilung peut maintenant autoriser les producteurs français à reprendre leur activité sur l'ensemble du territoire. Le cinéma français veut revivre. Il doit revivre. De Nice à Marseille, il a recréé, sous l'impulsion du gouvernement, des bases de production. À Marseille, au studio Pagnol, de nouvelles animations ont succédé au silence de ces derniers mois. Dans la nationalité, l'état civil, le statut de juif ou de non-juif de leurs conjoints et de leurs quatre grands-parents. Ce qui se double en zone occupée du permis de travail fourni par la propaganda Abteilung. Premier président de la Cinémathèque française, le journaliste Paul-Auguste Arlet explique que cette violence est indispensable. Nous avons à nous redresser très vigoureusement, nous autres gens de cinéma qui sommes déformés par 20 ans de cohabitation avec les juifs. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Vichy délègue cette ségrégation au comité d'organisation du cinéma, le COIC, et attribue à un département des droits d'auteur la charge des affaires juives, des risques politiques, de l'emprise étrangère, des réquisitions. Le premier président du COIC, le producteur Raoul Ploquin, en a une mémoire très sélective. C'est très possible qu'il y ait eu un certain antisémitisme. Les éliminations d'éléments juifs, ça s'est fait toujours très en douceur. Je n'ai jamais signé de décret interdisant la profession cinématographique à qui que ce soit, à quelque Français juif que ce soit, jamais. Greven s'en réjouit, parlant d'immixtion des juifs dans le cinéma, de leur disparition dans des refuges mystérieux, et mettant en garde les autorités. Ils annoncent généralement leur intention de revenir ultérieurement, et profèrent des menaces contre les adeptes de la collaboration. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'aime pas ça ! L'hôtel de l'abbaye, c'est ici ? Oui. Dans une chambre ? Monsieur est seul ? J'espère. Je mets la porte. Qu'est-ce que vous avez tous à regarder ma main ? T'as jamais vu un manchot ? Par quel chemin êtes-vous passé ? Ça vous regarde ? Si je vous demande ça, c'est parce que la route est coupée. Vous êtes sûr ? Oui. Ah. Certaines victimes d'attaques antisémites calomnieuses vont paradoxalement trouver refuge à la Continentale. Comme l'immense acteur Harry Bohr, qui a pour seul tort d'avoir à plusieurs reprises interprété des personnages de banquiers juifs. Ou le scénariste Jean-Paul Le Chanois, de son vrai nom Jean-Paul Dreyfus. Ils doivent d'abord prouver qu'ils ne sont pas juifs. Et j'ai fait un scénario, comme ça, un scénario. Librement. Librement, et j'aurais montré, et ils ont, je m'excuse, bon, ils ont dit, c'était pas tant. Alors, ça a été montré au producteur, et en même temps, Clouzot a dit, mais il s'appelle, de son nom légal, Dreyfus, mais il n'est pas juif. Et le producteur a eu cette réponse merveilleuse. Je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Simplement que j'en ai la certitude. J'en avais la certitude de pas fameux dans papier mon portefeuille parce que j'avais ce papier filigrané qui ne me quittait jamais. Les employés suspectés d'avoir travaillé avec des juifs, au contraire, sont renvoyés sur le champ. Comme le compositeur Roland Manuel, licencié avant même de pouvoir terminer la partition de La Main du Diable. Attends, j'ai le tremblement de terre pour un être humain, c'est l'ultime sécurité. Vous savez, le sol ne bouge pas. Ça ne se passe pas. Nicolas, on a Nicolas 7-9 qui nous a retrouvés. On a une idée des dégâts, de l'ampleur des dégâts dans les villages concernés. Oui, alors on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Pour vous expliquer, le Maroc est un pays qui est exposé au séisme, comme tous les pays qui sont situés au Maghreb, tout simplement parce qu'il se trouve dans une zone d'affrontement entre deux grandes plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Vous savez, les plaques tectoniques, ce sont ces grands morceaux de croûte terrestre qui se déplacent et ce qui provoque régulièrement des tremblements de terre. Mais le séisme a eu lieu un peu plus au sud, donc à 500 km de cette frontière que vous voyez ici, à l'intérieur même donc de la plaque africaine. Et dans cette zone que vous voyez ici, les roches se déforment, se compressent, forment des montagnes. Il y a des failles que l'on voit ici en rouge. Et à 26 km de profondeur, une de ces failles donc a cédé. Alors il faut imaginer des blocs géologiques qui accumulent des contraintes au fil des années, au fil des siècles. Et ça coince, ça coince, ça coince et tout d'un coup, eh bien, cela va céder. Un bloc va chevaucher l'autre, comme vous voyez sur cette animation. L'énergie libérée, elle est quand même gigantesque puisqu'on parle d'une faille longue de 30 km qui s'est déplacée d'un mètre. En février 1960, vous l'avez dit, dans la même région, un séisme de magnitude de 5,8 avait dévasté la ville d'Agadir et causé la mort de 12 000 personnes. Donc on sait que la région peut causer des très grands séismes. Et aujourd'hui, le plus à craindre, ce sont les répliques. Il y a déjà eu une réplique après le séisme de magnitude 4,9, donc c'est important. Et c'est ce qui est le plus à craindre dans les semaines qui vont venir, voire parfois même les mois. Bien, merci Nicolas. Et c'est vrai que la tragédie, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes... Au sens strict, prenons la France par exemple. La France, oui, connaît la guerre jusqu'en juin 1940. À partir du 6 juin 1944, date du débarquement en Normandie. Et, bien entendu, la libération de la Corse, septembre 1943, la France est épargnée. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est bien évidemment une guerre, mais c'est aussi une expérience de l'occupation. Et c'est également, pour beaucoup de pays, l'expérience de l'imposition de régimes autoritaires, dictatoriaux, totalitaire. Et c'est ces trois dimensions qui confèrent précisément à cette Seconde Guerre mondiale ce caractère tout à fait barbare que vous avez relevé. Oui, vous écrivez d'ailleurs que cette guerre, si elle précipitait l'humanité aux abîmes, dans le même temps, c'est la petite trouée de lumière, éleva l'humanité aux cimes en offrant des exemples spectaculaires d'héroïsme. Il faut de telles conditions extrêmes pour qu'ils apparaissent. On a l'impression que... Oui, dans une certaine mesure, je crois par exemple, pour donner l'exemple de la résistance française, que beaucoup de résistants ont été révélés à eux-mêmes. Nous ne savons pas, et c'est d'ailleurs l'une des questions que nous nous posons, une question d'ailleurs que l'on ne se pose pas, je pense, pour la Première Guerre mondiale, qu'aurions-nous fait? Mais en fait, nous ne savons pas ce que nous aurions fait. Et donc, bien évidemment, l'homme s'est révélé. Par exemple, l'un des acquis d'un historien qui s'appelle Christopher Browning, de montrer que dans les bataillons d'extermination, vous avez des monsieur tout le monde qui y participent, et même qui, à partir d'un certain moment, y prennent goût. La guerre n'aurait pas éclaté, ils auraient mené une vie paisible de policiers ou de bouchers. Dernière question, très vite, cette guerre a eu des conséquences majeures, notamment sur le plan géopolitique. Est-ce qu'on vit encore sur les conséquences géopolitiques de cette Seconde Guerre mondiale? Alors, nous vivons sur les conséquences géopolitiques parce que vous n'avez aucun règlement de guerre qui soit satisfaisant. Vous avez toujours des vainqueurs, des vaincus. Bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de dirigeants soufflent sur les braises du ressentiment. C'est cela qui est dangereux. Le traité de Versailles, on peut en discuter, mais n'était pas nécessairement un mauvais traité. Hitler et Mussolini ont transformé ce traité de Versailles en abomination. Là, bien évidemment, vous avez eu des peuples qui ont été lésés et des dirigeants qui, je le répète, instrumentalisent ce souvenir. Par ailleurs, et nous vivons encore sous ce régime, me semble-t-il, les traumatismes vécus par les familles sont encore très profonds. On voit que pour les enfants, pour les petits-enfants, avoir eu un grand-père, un père déporté, d'avoir eu pour les Normands, sous les bombes, des victimes proches,

en novembre 1921. Donc nous sommes une enquête est effectuée par le commissariat de police de Remiremont afin de donner les renseignements sur les circonstances du décès d'Alphonse Amet. Renseignements rédigés par le brigadier de police Parmentier du commissariat de police de Remiremont. Monsieur Amet Alphonse est entendu gravement malade issu d'une épidémie de variole. Est hospitalisé à Belfort le 15 septembre 1914. Il obtient une convalescence de 3 mois et est ramené chez lui au 60 rue de la Joncherie à Remiremont par une automobile militaire. Son état s'est empiré. Il décède le 29 octobre suivant à son domicile à l'âge de 30 ans. Alors là, vous allez bien écouter. Il est inhumé au cimetière civil de Remiremont, champ commun, section A. Le cimetière militaire n'existant pas encore à cette époque. On est au début de la guerre. Sa veuve touche la pension annuelle de 800 francs, ainsi que la majoration de 300 francs pour sa fillette, donc âgée de 13 ans. Alors d'ici peu, le fossoyeur, hein, qui s'occupait des tombes là-bas, devra relever les tombes des civils enterrés dans cette section, et il a prévenu Madame Veuve Amet de faire une demande à Monsieur le maire pour que son mari ne soit pas exhumé. Car en réalité, il était militaire et qu'il soit transporté au cimetière militaire ultérieurement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, il est décédé, il était civil. Il était considéré comme civil du fait qu'il n'y avait pas le carré militaire ni le monument mort. Donc il fallait bien les mettre à quelque part. Donc ils étaient inhumés là-bas. Il n'y avait pas que lui, mais enfin on parle de lui. Ils étaient inhumés donc dans le cimetière civil. Alors monsieur, alors oui, d'ici peu le fossoyeur, bref, alors donc le fossoyeur donc devra relever les tombes des civils enterrés dans cette section, et donc il a prévenu la veuve Amet pour une demande, pour qu'elle fasse une demande auprès de monsieur le maire, pour que son mari ne soit pas exhumé. Hein, c'est ce que je vais dire. Monsieur le commissaire de police confirme qu'Alphonse Amet était bien soldat au 17e régiment d'infanterie. Alors voici la lettre de Madame Veuve Amet, adressée à Monsieur le maire, de Remiremont au sujet de son défunt mari. Monsieur le maire, je viens solliciter votre haute bienveillance au sujet de mon mari, mort pour la France le 29 octobre 1914. Mais étant en convalescence chez moi, il était enterré comme civil. Monsieur Leguet, donc le fossoyeur, m'a averti qu'on était à la veille de le déterrer. Je vous demande l'autorisation de pouvoir le remettre au cimetière militaire, car j'ai les pièces officielles pour toute affirmation. Veuillez agréer, monsieur le maire, mes remerciements en attendant satisfaction. Madame Veuve Amet, Alphonse, 60 rue de la Joncherie, Remiremont. Monsieur le maire de Remiremont ordonne de remettre Alphonse Amet dans le cimetière militaire avec l'autorisation de sa femme. Donc il est inscrit au monument aux morts de Remiremont, livre d'or du ministère des Pensions, mort pour la France. Alors, vous avez compris? Oui. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré, ouais. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien, au moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade. Et pire, ça n'a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis chômeur. Alors je suis rentré à la maison, là, et puis ma femme m'a dit, tiens... Tu vois, si j'avais eu du lard, je t'aurais fait une omelette au lard. Malheureusement, j'ai pas d'œuf. Cela dit, il paraît que le gouvernement s'intéresse à l'emploi, hein. Si. Surtout au sien, il paraît. C'est le canouet qui l'a dit. Vous voyez, le canouet va nous trouver du boulot, c'est sûr. C'est la maxi-tête, lui. Il a les dents à sa chalistelle et tout. Si, si. Le canouet, il s'y connaît vachement, hein. T'es con ou quoi, s'il connaît vachement le canouet en emploi. Alors, il s'y connaît autant que Thierry Roland dans ce classique. Il paraît que la crise, là, ça rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres.

Selon l'INSEE, le taux de privation matérielle et sociale a atteint 14% de la population début 2022. Aide alimentaire sur endettement, nombre de personnes vivant à la rue. Prévention de la pauvreté en agissant à l'enfance, car les inégalités existent dès la naissance. Les inégalités existent dès la naissance. La République française est un exemple pour le reste du monde, bien sûr. Nos politiciens, nos politicards sont un exemple pour le reste du monde. Moi, je dis que les pays qui sont jaloux de nous, eh bien, ils devraient venir chercher nos politiciens de métier, nos politicards, et les amener chez eux, les prendre à leur service. Oui, ils devraient. Oh, bon, on pleurera un peu, mais pas longtemps, hein. En agissant sur l'enfance, car les inégalités existent dès la naissance, par la sortie durable de la pauvreté via le retour à l'emploi. Le retour à l'emploi. Le journal Vosges Matin ose utiliser une phrase dans laquelle il figure l'expression « le retour à l'emploi ». Oh, c'est un journal d'extrême gauche, hein, Vosges Matin. Oui. Oh oui, oh là là, ah, si vous êtes de droite, méfiez-vous-en. Alors, le gouvernement présente ce lundi son pacte de solidarité pour lutter contre la pauvreté avec l'inflation. La précarité explose et les associations tirent la sonnette d'alarme. Bon, oh, les choses vont changer, vous allez voir. La France va se moderniser, va se devenir sociale tout d'un coup. Tiens, ah, ben voilà une bonne nouvelle. Censure sur Moselotte. Contrôlé à 195 km/h, sa Ferrari lui est confisquée. Le conducteur sera convoqué prochainement lors d'une audience au tribunal judiciaire d'Épinal. Alors, un tribunal, il peut être judiciaire. Vous rendez compte un peu? Évolution du vocabulaire sous la Macronie, hein. Un tribunal, avant, c'était la justice, forcément, un tribunal. Ah oui? Ben, maintenant, il faut préciser qu'un tribunal judiciaire. Oui. Ah oui. Oh, ils sont bons. Oh, notre élite, elle est exemplaire. J'espère que l'étranger va pas venir nous voler notre élite. Ah oui, ça serait grave pour nous, hein. Alors, sa Ferrari lui est confisquée. Alors, le nom de l'individu en question, ben, il n'est pas cité dans l'article, hein. Ah non. Non. Non, on n'a pas nommé la personne. Non. C'est une Ferrari. Voilà, c'est tout. 195 km/h, une Ferrari. Mais qui? On n'a pas le droit de savoir. Ce serait un smicard ou un chômeur, bien sûr que son nom figurerait dans l'article. Ah ben oui, et naturlich, dirait l'autre. Hein. Électeur, cet homme-là, est-il un électeur? Est-il un élu? Est-il un chômeur? Hein? Ah, il y a des gens bien dans notre société. Oh, notre société, elle est dirigée par une élite de haute qualité, morale, sociale, mentale, intellectuelle, etc. Oh oui, on est dirigé par la race supérieure, disait l'autre, de l'autre côté du Rhin, dans les années 30 et 40. Politique, Philippe et Roussel ont débattu à la fête de l'humanité. De l'UMA. Alors, ils ont marqué dans le journal l'UMA. Il y avait la place pour marquer humanité, hein, parce qu'il reste 1,5 cm dans la ligne qui n'est pas utilisée. Bon, ça fait rien. UMA, humanité, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Un début de convergence est apparu sur la question énergétique du nucléaire. Voilà. Alors donc, Philippe et Roussel sont pour le nucléaire. Souvenez-vous-en quand vous irez voter. Oui, eh oui. Faut avoir de la mémoire quand même, hein. Quand on va voter. Urgence européenne à Lampedusa. La présidente de la Commission a exhorté dimanche à la répartition des migrants entre différents pays de l'Union européenne. Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni dimanche à Lampedusa. Eh oui. Il y avait déjà des politiciens allemands et italiens qui s'entendaient admirablement à une certaine époque. Oui. Mais il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. L'histoire ne se répète pas. 1923, 1933, 2023, ça finit par 3, mais c'est tout. C'est le seul. Voilà. Fatima n'est pas pompier. Et pourtant, il arrive que nos factrices et nos facteurs doivent faire face à l'exceptionnel. Comme lorsque Fatima a secouru Bernadette, 88 ans, en la faisant sortir de sa maison qui commençait à prendre feu. Les factrices et les facteurs distribuent le courrier, livrent des colis, rendent visite, apportent des repas, des médicaments. C'est ainsi que chaque jour, ils relient partout les uns aux autres. Eh oui, c'est ce qu'avaient voulu les résistants en 1945, créer des services publics. Services publics. Services publics. Les cosplayers ont cosplayé des cosplays à la journée japonaise. C'est à Mirecourt. Alors, est-ce que vous avez la traduction ? Cosplay, C-O-S-P-L-A-Y-S. Est-ce que c'est de l'allemand ? Est-ce que c'est de l'anglais ? Est-ce que c'est du hongrois ? Je peux pas vous dire, je sais pas. J'ai un journal français dans lequel, normalement, il n'y a que des mots en français, ou exceptionnellement. Édito, Benoît Gaudibert, l'impasse migratoire. L'urgence, dans un premier temps, est bien entendu humanitaire. Il s'agit en priorité de sauver des vies humaines. La montée de l'extrême droite dans les sondages outre-Rhin, a pesé sur la décision de Berlin. L'extrême droite est partout à l'affût. Éditorial dans Vosges Matin. Les élus avec les salariés de Nestlé pour éviter les licenciements secs. Alors les élus de droite ? Point d'interrogation. À quoi servent les élus ? Moi je suggère que les élus servent à remplacer l'intelligence artificielle, point de suspension, provisoirement. Et l'intelligence artificielle va se mettre à remplacer notre personnel politique. C'est de la science-fiction, ça n'existera jamais, un truc pareil. Bon, c'est pas possible. Ben bien sûr que non. Alors, un projet qui prévoit 171 suppressions de postes et pour l'heure quelques 140 licenciements. De quoi faire monter les élus au front. Eh oui, et les élus qui montent au front, vous savez ce qu'ils risquent, hein. Et nos grands-pères qui sont montés au front, ils ont vu que c'était dangereux, le front. Eh oui. Le partage de l'eau, les ressources en eau potable diminuent à un rythme alarmant. Exemple choisi dans les Vosges et en Haute-Saône, où la station thermale donne le bon exemple. C'est les activistes qui se dressent devant Nestlé Waters. Waters, alors c'est pas Water Closet, hein, c'est Waters. Nestlé Waters. What is it, Waters? Hein? Depuis le mi-temps des années 2010, le collectif O88 regroupe des militants environnementalistes, nouveau mode, connectés et très actifs sur les réseaux sociaux afin de lutter contre les excès de l'industrie de l'eau à Vittel et contre les civils dans les Vosges. C'est une rencontre, voilà. De succès n'incite pas Bernard Schmitt à désarmer, bien au contraire. En 1975, on parlait de 400 millions de bouteilles. Aujourd'hui, on en est à 1,5 milliard après être passé par un point culminant à 2 milliards. Voilà. Eh oui, Nestlé Waters. Les Waters. Dernière porte à gauche au fond du couloir. Hydrogène vert, énergie. Total Energy lance un appel d'offres inédit. Le géant pétrolier Total Energy lance un appel d'offres sur la fourniture de 500 000 tonnes par an d'hydrogène vert qui permettrait d'éviter l'émission d'environ 5 millions de tonnes de CO2 annuelles dans 6 raffineries d'Europe sans renoncer à l'exploitation des énergies fossiles. Ils nous feraient rire, ces gens-là. Ils nous feraient rire, mais non, c'est tragique, c'est pas comique. La pauvreté risque d'augmenter avec l'inflation. L'inflation touche tout le monde, mais les conséquences sur les ménages les plus fragiles sont dramatiques. D'autant que les associations caritatives peinent à répondre à la demande croissante des plus démunis. Le point sur la situation dans les Vosges, voilà, bon, c'est un long article dans lequel il n'y a pas... Bon, enfin bref, voilà. Alors, les revenus des fainéants, c'est le dividende. Le revenu des fainéants, c'est le dividende. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez téléphoner à Radio Grimozo pour donner votre avis. Eh oui. Avant de croire ce que dit la presse, cherchez à savoir qui paye l'encre. Avant de croire ce que dit la presse, cherchez à savoir qui paye l'encre. C'est pour ça qu'on a fondé des radios libres il y a 42 ans. Radios libres. Oui, libres. Oui, libres. Elles se voulaient libres, les radios locales et libres à l'époque. Depuis, il y a eu des évolutions positives et puis des évolutions négatives aussi. Ben oui, parce que les individus évoluent comme ils peuvent, comme ils veulent, comme ils pensent pouvoir, comme ils pensent devoir. Hein. La crise de 1929 a porté Hitler au pouvoir, à l'image du magazine L'Histoire. Nombre de médias expliquent que la crise de 1929 porta Hitler au pouvoir, présentant comme mécanique l'articulation entre problèmes sociaux et développement du racisme. C'est oublier que le parti nazi n'aurait sans doute pas pu s'emparer du pouvoir, du Reichstag, sans le soutien actif des milieux d'affaires. Sans le soutien actif des milieux d'affaires. Très grave, ça. C'est très grave. Wall Street, le 29 octobre 1929. 16 millions d'actions sont bradées sur le marché. Dans les jours qui suivent, la bourse s'effondre. Les épargnants sont ruinés. À 3 ans, le taux de chômage aux États-Unis passe de 3% à 24%. La production industrielle fond de moitié. Oui, car les consommateurs ne peuvent plus consommer. La crise ne tarde pas à toucher le reste du monde. Le Royaume-Uni, la France, l'Autriche, le Japon, l'Argentine, le Brésil, etc. En Allemagne, dont l'économie est particulièrement dépendante des investissements et des prêts américains, les effets sont ravageurs. Ils auraient, selon une analyse répandue, provoqué l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933. Cette lecture ne permet pas de comprendre le rôle essentiel joué par les puissances d'argent, dans la crise politique interne qui a permis l'ascension du nazisme. En juin 1928, le social-démocrate Hermann Müller prend la tête d'une coalition parlementaire fragile et devient chancelier. Mis en minorité sur sa proposition de garantie d'une allocation chômage. Il démissionne en mars 1930. Pour le remplacer, le président de la République de Weimar, le maréchal Paul von Hindenburg, appelle un député du centre catholique, Heinrich Brüning. Une augmentation de 4,5% de la participation du patronat à l'assurance chômage est soumise par Brüning aux députés. Mais ces derniers la rejettent. Le Parlement est dissous et de nouvelles élections ont lieu le 14 septembre 1930. Le Parti National-Socialiste Ouvrier Allemand, NSDAP, National-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, qui reçoit notamment l'appui financier d'Émile Kirdorf, l'un des magnats de la Ruhr, de Fritz Thyssen, président du conseil de surveillance des aciéries réunies. J'en connais moi, que des prisonniers qui ont travaillé pour Thyssen, pour Kirdorf, pendant 4 ans et plus, parce qu'ils étaient prisonniers de guerre en Allemagne ou déportés, et de Hjalmar Schacht, ancien président de la Reichsbank. Passe de 2,6% des voix en 1928 à 18,3%. aucune majorité parlementaire ne se dégage. Un cabinet présidentiel, type de gouvernement qui ne veut pas justifier de ses orientations devant le Parlement. Le premier d'une série de trois est formé. Bruning se succède à lui-même. En plus de la crise économique, il lui faut désormais affronter une crise financière, économique, politique, militaire, médicale, chirurgicale, funéraire, USW, und so weiter. Le patronat réclame un gouvernement dirigé par un homme fort pour lutter contre le chaos du bolchevisme. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ayant retiré leurs capitaux des banques allemandes, plusieurs sont acculés à la faillite. L'État doit les renflouer. C'est pour soutenir l'économie, Bruning choisit la déflation en procédant arbitrairement par décret-loi, diminution des dépenses publiques de 25%, du salaire des fonctionnaires de 10%, de l'allocation chômage de 14%, augmentation des impôts de 15%, taxes sur le tabac, le sucre, la bière. Ces mesures affectent la consommation et provoquent une explosion du chômage. Qui touche 33,8% des travailleurs en 1932. 33,8% des travailleurs en 1932. Le patronat, notamment celui de l'industrie lourde, est à l'avant-garde d'une opposition, entre guillemets, nationale, contre le Parlement et les syndicats. Le Parti National Socialiste sera allié privilégié. Le 11 octobre 1931, il constitue avec lui une plateforme, le Front de Habsbourg, qui réclame un gouvernement dirigé par un homme fort, entre guillemets, homme fort, sous-entendu Hitler, afin d'extirper de l'Allemagne le chaos du bolchevisme, entre guillemets, chaos du bolchevisme. Les élections législatives du 31 juillet 1932 donnent la première place au NSDAP, avec 37,2% des suffrages. Trois mois plus tard, dans un contexte de décrue du chômage, un nouveau scrutin a lieu. La formation nazie arrive encore en tête, mais ne remporte plus que 33% des voix, 32,8%. Le 19 novembre, 20 personnalités, des industriels, des banquiers, demandent au président de la République de nommer Hitler au poste de chancelier, des industriels, des banquiers. Hindenburg s'exécute le 30 janvier 1933. Le chef de l'État nullement contraint de se plier à leur demande. Alors que l'économie se redressait et que l'électorat du Parti National Socialiste se réduisait, Hindenburg pouvait accepter la proposition de Kurt von Schleicher, le chancelier de l'époque, de dissoudre le Parlement et d'organiser dans les deux mois, conformément à la Constitution de Weimar, de nouvelles élections législatives. Au lendemain de l'accession de Hitler à la chancellerie, Gustav Krupp, beaucoup de prisonniers, beaucoup de déportés ont travaillé pour ce Gustav Krupp et sa descendance, lui exprime son soutien au nom de la Confédération de l'industrie qu'il préside. Les industriels, indique-t-il, ne peuvent que coopérer avec un gouvernement qui prend à cœur le bien-être du peuple allemand. Entre guillemets, le bien-être du peuple allemand.